Vous avez un message de Tom Cruise. Pour l'écouter, tapez 3. Vous avez tapé 3. Confirmez en tapant 8. Vous avez tapé 8. Faites le poirier. Vous m'avez cru? C'était une blague. Vous êtes vraiment trop con. Je vous le passe. Salut mes amis français, c'est Tom Cruise. Comme vous, j'adore le podcast Cruise Control et je suis ravi d'apprendre qu'il fêtera la fin de son première saison le 2 juillet 2021 en enregistrant un épisode spécial en direct. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous. Je suis en plein tournage de notre mission Impossible et je m'apprête à partir dans l'espace. Mais vous, mes Cruisettes, vous pouvez aller à cette fête en mon honneur. Ce sera le vendredi 2 juillet à 19h au Tracteur à Saint-Cabel, dans le sud de la France. Tu as toutes les infos sur le site du podcast et dans la description. Je vous embrasse, mes Cruisettes. À très vite.